Chapitre 7e. Accident de chaise. À l'époque où se déroule cette histoire, un régiment était en garnison à Aix. Les frais et le recrutement en ayant été assurés à l'origine par le gouvernement de Lyon, on nommait ce régiment le Lyonnais, tout simplement. Les Aixois n'appréciaient guère sa présence, se plaignant des frais qu'il leur occasionnait et des incartades des soldats dans la ville. Anicet devait aller chercher 4 chaises à retapisser chez un client de la rue Bellegarde. Il poussait son charton devant lui, mais alors qu'il parvenait dans la rue du Grand Séminaire, une chaise, attelée d'un seul cheval, descendait la rue d'un bon train avec 2 personnes à son bord. Juste au moment où la voiture passait devant Anicet, un groupe de soldats du Lyonnais, fortement avinés, surgit de la rue du Puy-Neuf, juste en face. Certains militaires firent mine d'arrêter la voiture par leurs cris et leurs gesticulations. Le cheval, effrayé, fit un écart et se cabra, tirant la voiture contre le mur de la rue. La roue droite de la chaise percuta la pierre d'angle d'un bâtiment et se brisa net. La bête affolée prit la fuite, cassant les brancards, jetant à bas le conducteur qui chuta lourdement sur la chaussée. Mesurant l'ampleur de leur délit, les soldats s'enfuirent en courant dans la rue Matron, vers la place des Prêcheurs. L'homme à terre gémissait en peinant à reprendre ses esprits. 2 matrones se portèrent à son secours, tandis que l'autre passager, visiblement dans une colère noire, mettait pied à terre. Il avisa Anicet et le prit par le bras. « Vous étiez là, hein? Vous avez tout vu » cria-t-il hors de lui. « Voilà comment se conduisent ces chiens du Lyonnais. Venez, restez avec moi, vous allez me servir de témoin. » L'homme en colère n'avait pas encore la quarantaine. Alerte, il se porta rapidement au secours de celui qui gisait à terre et s'agenouilla près de lui. Anicet le rejoignit et reconnut alors en lui le vice-maire, Toussaint Bernard Émeric, que tout le monde appelait communément Émeric David. « Toussaint, ne me laissez pas là, mon ami, je crois que j'ai la jambe cassée, » gémit le blessé. « Mais pourquoi n'avez-vous pas lâché les rênes ?» demanda le vice-maire. « Croyez-vous que j'ai eu le temps de réfléchir ?» Émeric David jeta un regard circulaire, cherchant fiévreusement une solution. Le blessé, le fémur certainement brisé, était incapable de se tenir debout. « Menez-moi à la maison commune, » balbutia l'homme. « Chez moi, c'est beaucoup trop loin, je ne me sens pas la force d'arriver jusque-là. »« Oui, oui, Michel, calmez-vous. Nous allons vous amener à la maison commune. »« Mais comment ?» murmura-t-il pour lui-même. Anicet propose alors son charton qu'il avait laissé au coin de la rue. On y étendrait le blessé pour le porter à l'hôtel de ville. « Vous êtes notre providence !» s'écria Émeric David en tapant sur l'épaule d'Anicet. « Et aussi votre témoin, citoyen vice-maire, » repartit le tapissier. Ils allongèrent le blessé sur le plateau, non sans lui faire pousser quelques cris de douleur, et rejoignirent la place de l'hôtel de ville. Lorsque le charton arriva dans la cour pavée de l'hôtel de ville, les soubresauts furent si intolérables qu'Anicet désolidarisa le plateau et l'emporta le blessé à l'étage. « Installez M. Delocqui dans mon appartement, » commanda Émeric David, « et faites chercher le docteur Johannis. »« Il est dans la salle du conseil, » répondit l'homme interpellé. « Raison de plus pour vous dépêcher. » Suivi d'Anicet, Émeric David se dirigea vers la grande salle du conseil. Il croisa Johannis et, lui posant la main sur l'épaule, lui dit « Je compte sur vous. » Dès son entrée, tous ceux qui étaient assis se levèrent. À la mine du vice-maire, ils comprirent qu'un incident s'était produit et firent silence, attendant qu'il prît la parole. « Messieurs, notre collègue Michel Delocqui et moi-même venons d'être victimes d'une nouvelle exaction des soldats du Lyonnais. » commença-t-il d'une voix forte. Delocqui est blessé et incapable de bouger. Une bande de 10 énergumènes nous a littéralement agressés, affolant notre cheval et faisant renverser ma chaise. Vous savez tous mon aversion pour ce régiment du Lyonnais, mais j'ai un témoin qui vous prouvera que mon ressentiment est bien fondé. « Citoyen, » dit-il en se tournant vers Anicet, « veux-tu te présenter et dire à ces messieurs ce que tu as vu ?» Anicet ôta son chapeau, ce qui ne devait pas se faire. Un citoyen n'ayant pas à montrer de marque d'humilité ou de référence vis-à-vis des autres, par souci d'égalité. Mais les vieilles habitudes étaient longues à disparaître. Lisant dans les yeux de certains membres une légère réprobation, il se recoiffa donc et à haute et intelligible voix, il témoigna de l'incident. Ses interventions au club des amis de la Constitution l'avaient habitué à prendre la parole en public et son état d'artisan ne lui donnait aucun complexe, bien au contraire. Au fur et à mesure de son exposé, les conseillers poussèrent des hauts, des « A » de surprise et de réprobation. Pendant qu'il parlait, Émeric David fit mander le colonel commandant le régiment du Lyonnais pour qu'il parût au conseil, toute affaire cessante. « Saurais-tu les reconnaître, citoyen ?» s'informa un conseiller. « Je n'ai bien vu que les deux premiers qui se sont portés à la hauteur du cheval, les autres n'ont pas retenu mon attention. Deux, c'est déjà bien, remarqua un autre conseiller. Ils dénonceront peut-être leurs acolytes. Il nous faut identifier des coupables et leur faire payer leur forfaiture. Cette conduite déplorable n'a que trop duré. Le médecin jaunisse revint dans la salle et lança à la cantonade. De Loki n'a rien de cassé, messieurs. Il a la carcasse solide. En revanche, il a simplement les muscles de la fesse et de la cuisse complètement écrasés. C'est extrêmement douloureux et très long à guérir. Il faut qu'il bouge le moins possible pour l'instant. Émeric David, je crains qu'il ne soit votre hôte pour un bon bout de temps. Le médecin prit congé, mais revint presque aussitôt. On vient encore de m'apporter quelques cadavres frais que je dois l'examiner à la morgue de l'Hôtel-Dieu. On dirait que les Aixois craignent que je m'ennuie, ajouta-t-il en riant. Riez, riez, citoyen médecin, se récria un des conseillers. Moi, je trouve qu'on tue beaucoup depuis quelque temps. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que cet Abirive est un véritable fléau, une bête d'apocalypse. Il chauffe à blanc les esprits et certains, déjà à moitié fous, n'en ont vraiment pas besoin. C'est vrai, dit un autre. Sous couvert de défendre la révolution, beaucoup en profitent pour régler leurs comptes ou tout simplement pour voler. Messieurs, il nous faut prendre des mesures. Nous ne pouvons continuer de tolérer cette situation de justice barbare. Conseillé et encouragé par Rive lui-même, ajouta Émeric David. Anicet s'était discrètement reculé contre un des murs et profitait de jouir du débat. Il partageait l'avis des conseillers, car il avait entendu l'abbé Rive, de vive voix, proférer des menaces, appeler au massacre, lancer des condamnations contre tous ceux qu'il pensait être contre-révolutionnaires. « Il éructe comme une bête malfaisante et puante », avait-il dit à Corentin. Sur ces entrefaites, le colonel du Lyonnais pénétra dans la salle. « Ah, monsieur le colonel, enfin !» s'écria Émeric David. « Je vous rends responsable de la conduite de vos soldats, de vos soudards, devrais-je dire. Hier encore, deux d'entre eux ont été arrêtés pour avoir violenté une femme. Ils ont tout nié en bloc, bien évidemment. Aujourd'hui, ce sont deux membres du conseil municipal, mon ami Michel de Loki, blessé, et moi-même, qui avons été agressés en pleine rue par une horde d'ivrognes. Qu'avez-vous à dire à cela ?» Sous l'algarade, le colonel, pour se donner contenance, ajusta les pans de son habit blanc et arrangea les parements rouges de ses manches. « Je vais prendre des mesures, monsieur le vice-maire, soyez-en certain, » répondit-il. « J'y compte bien, monsieur, j'y compte bien. Je vous demande de consigner tous vos hommes au quartier jusqu'à nouvel ordre. Nous allons faire une enquête et débusquer les fautifs. Nous avons un témoin qui a tout vu et qui reconnaîtra les coupables. » Se disant, il pointa son doigt dans la direction d'Anicet qui acquiesça de la tête. Les deux hommes avaient utilisé le vouvoiement et le terme appuyé de monsieur résonna presque comme une insulte dans leur bouche. « Je vais de ce pas interroger mes hommes et vous tiendrez au courant de mes découvertes. Je prendrai contact directement avec votre témoin, si vous le permettez, » dit-il en regardant Anicet. « Citoyen, tu me trouveras rue de la Porte-Peinte où je suis tapissier, » ajouta Anicet à l'adresse du colonel, en prenant congé de l'assistance. En sortant de la maison commune, poussant son charton, il rencontra trois hommes qui portaient des cadavres dans des brouettes. L'un d'eux apostropha Anicet. « Hé, toi, arrive ici, tu vas nous aider avec ton charton. »« Risque pas, j'ai déjà perdu assez de temps, j'ai autre chose à porter que des cadavres. »« Alors fous le camp, mauvais citoyen, tu auras des comptes à rendre. »« Va donc te plaindre au conseil municipal, j'en sors, » rétorqua Anicet. Se disant, il remarqua tout de même que l'une des brouettes contenait le corps de Larieux, déjà verdâtre. Téméraire, il osa demander qui était celui-là. « C'est Larieux, » répondit l'homme, « un qui ne valait pas plus cher que toi. » Tôt ou tard, il devait finir comme ça. Anicet ne demanda pas son reste et se dirigea ensuite vers la rue Bellegarde où l'attendait sa pratique.